faisait rêver poète, c'était sa raison d'être. Il s'est laissé pousser les yeux comme font les grands. Vivait dans un monde à part et dans son bien-être, malgré tout ce qu'a coulé dans son sang, il est resté vivant. L'homme est là, c'est très fier de toutes ses grandes idées. Il a préféré l'écrire sur du papier glacé. Il crie merci qui, merci la vie. Merci qui, merci les amis. Il s'est senti puissant sous les strass et paillettes, dans un monde où l'argent a l'odeur du bonheur. Il vivait dans un monde à part et dans son paraître, malgré tout ce qu'a coulé dans son sang, il est resté vivant. L'homme est là, c'est très fier de toutes ses grandes idées. Il a préféré l'écrire sur du papier glacé. Il crie merci qui, merci la vie. Merci qui, merci les amis. Il s'est senti mourant, perdu dans son paraître, les rimes et les mots purs ne tombant plus à ses pieds. Loin de tout, loin des gens qui l'ont vu comme un maître, malgré tout ce qu'a coulé dans son sang, il est resté vivant. L'homme, hélas, hélas, l'a mis son cœur à nu. Au même instant précis, le papier a fondu. Merci qui, merci la vie. Merci qui, merci, merci les amis. Merci qui, merci la vie. Merci qui, merci les amis. Merci qui, merci, merci les amis. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.